is the president of the professional league in France. L'organisateur du meeting, Jean-Pierre Chevel, est également avec nous, Meeting Hercules, qui en est à sa 22e année d'existence. À côté de Jean-Pierre, close to Jean-Pierre, is Leslie John, the French national record holder for 400 meters, fifth in the World Championships last year. Yelena Isinbayeva, 25 world record, and still going on with a 4.93 few days ago in London, qui a battu le record du monde à Rome. She broke the world record in Rome. She will be the only athlete from Monaco. Elle est de Monaco, ce sera la seule ici pour ce meeting. Local athlete, yes. Asafa Powell, one of the fastest men on earth, one of the king of the sprint, and coming back after an injury and coming really, really fast, 9.88. Which is a good thing, and with the victory when he came back, you know, the sprint will be one of the key points at the Olympic Games. We look forward for the race tomorrow. We'll ask him a few questions. Et puis Christine Aron, coming back in shape, 11.21 au championnat de France, après elle aussi des ennuis de santé comme à sa faille, pour en revenir en forme. Christine still holding the European record in the 100 meters. Voilà, posé. Je vais tout de suite passer la parole à Jean-Pierre Chevel qui va vous dire quelques mots de bienvenue. Bonjour. Au nom de la Fédération Monégasque d'athlétisme, je voudrais vous remercier pour votre présence ici, remercier les athlètes qui nous ont fait la gentillesse de prendre sur leur temps pour être avec nous. In the name of the Monégasque Federation, I would like to welcome you here and thank all the athletes for attending this press conference. The organizer. I want to welcome for, as you say, the 22e édition, pardon. Et je préciserai que nous appartenons aussi au Super Grand Prix de l'IAF, ce qui est l'équivalent de la première division et qui comprend 11 meetings à travers le monde. I just wanted to welcome for this 22nd edition of Meeting Hercules. I would like also to tell you that we're among the 11th Super Grand Prix of the Track and Field Association. That is the second division after right after the Golden Eagle. 11th Super Grand Prix, and Meeting Hercules is among them. Alors, dans les innovations de meeting, je voudrais dire aussi qu'on a la chance cette année sur notre nouveau stade d'avoir un nouvel écran. Si vous vous rappelez, on a été les précurseurs à Monaco en mettant un écran, je dirais, qu'on a porté. Cette fois, le stade s'est doté de cet équipement. Et donc, demain, ce sera la première fois qu'on entraînera cet équipement. So we'll have something new at the stadium, at the Stade Louis II. It's a new screen, a screen that stays, that will stay in the stadium. We were having, in the former years, a large screen, and we were the first to rent a large screen for this this event. Now we'll have our own large screen on the stadium and stay in the stadium. Au niveau du programme du meeting, vous avez vu qu'on a remis sur pied quelque chose qui nous était avant traditionnel, à savoir on a réorganisé des relais, des courses de relais 4x100, et donc on a la chance d'avoir dans ces courses de relais aussi bien donc les meilleures équipes européennes avec l'Allemagne, l'Italie et la France, et aussi des équipes des États-Unis, a priori avec deux équipes en hommes comme en femmes. So we reinstated also in the program relays, as we did in the past, not the last years, but in the past, and with 4x1. Germany will have a great team there, USA also, and France and Italy. Voilà, je pense que bon, la météo est bonne. Ce que j'espère, c'est de bonnes compétitions pour les athlètes, de très bons résultats. Ils sont maintenant prêts, ce sera la route sur Beijing, et je leur souhaite en tout cas vraiment beaucoup de réussite, et je les remercie d'avoir fait la dernière étape à Monaco avant leur départ, et je leur souhaite de très bons résultats. Weather forecast is good for tomorrow. Thanks for the athlete for stopping here before Beijing, the last event before the Olympic Games. Thank you to them for showing up and attending this meeting here. Merci.